Chaque jour j'attends le moment où je foutrai les pieds dedans. Avec mes phases, je vais pas attendre que j'ai plus de dents. Patient, prudent, kiff pas violent. Une prod de chez Noz qui m'assagit avec ses violons. Mes textes sur ma vie en disent long. Et le son qu'on apporte va briser les portes. Car fort et l'escorte en sorte. Regarde ce qu'on fait, peu importe ce qu'on porte. Hip-hop depuis 92. Manutentionnaire pour le flouze. Et je veux surtout pas faire de la bouse. Tu connais les miens, deux mecs du 9-4. Et pour les autres, on vient de loin du 9-7-4. On fait notre bise en attendant le buzz. On te brise sans bif en tirant sur le buzz. Rien à foutre de tes histoires que les autres gobent. Les majors crises produisent ceux qui font de la job. J'ai quitté le 9-7-4 sans pleurs. La sape, mes textes et mon putain sans pleurs. La musique est un monde sans cœur. Pour l'instant, c'est la dèche. Mais je trouverai la brèche. Chaque jour, je tape, j'économise. Je m'organise comme une entreprise sur ce que je mise. Je m'acharne au travail. Et tôt ou tard, frère, je trouverai la faille. Rends à Gif ce que tu lui dérobes. Car je fais pas partie de ces bitches négas qui portent des robes. Certains croyaient que j'avais rendu l'âme. Du 974 à Paname, je suis venu rallumer ma flamme. Alors n'oublie pas la prochaine rentrée. Que mon stylo dessine trait pour trait mon autoportrait. En force et on fera pas de tri. Même en morse, mon peur a tu l'as compris. Je suis un homme fier et ça sans faire de zombie. Respecte-toi et les autres depuis tout petit on me l'a appris. Moi je viens du port, je connais la rue. Chez nous on mange du porc, les rougailles la morue. Pour ma part, j'ai peur de voir mon père mourir. Que sans repère, je ne sache plus où courir. On n'a pas l'intention de pourrir sans sortir nos scuds en scred, mais on prépare nos missiles scuds. J'ai quitté le 974 sans pleurs. La sape, mes textes et mon putain sans pleurs. La musique est un monde sans cœur. Pour l'instant, c'est la dèche. Mais je trouverai la brèche. Chaque jour, je tape, j'économise. Je m'organise comme une entreprise sur ce que je mise. Je m'acharne au travail. Et tôt ou tard, frère, je trouverai la faille. Je viens de là où tous les jours le ciel est bleu. Ou comme partout la misère te frappe, te marque en te laissant des bleus. Gif ayant pour objectif effacer ses cicatrices en balançant des rimes tristes sur un multipiste. Je trouverai la faille avant que je m'étouffe. Je puiserai dans mes poumons pour avoir un second souffle. Je débarque avec des tendances alcooliques. Des acolytes, des répliques qui te donnent la colique. Tout en endurance, je puise dans mes ressources. Et tous les deux ans, je fais un retour aux sources. Dans la course, je te rassure, pas les derniers. Le talent y est, ça on peut pas le nier. 2007, on fête les retrouvailles dans la grisaille, on défouraille. Je prépare leurs funérailles. Sans bling bling, mais avec un style éblouissant. Un son qui tue sans faire couler le sang. J'ai quitté le 974 sans pleurs. La sape, mes textes et mon putain sans pleurs. La musique est un monde sans cœur. Pour l'instant, c'est la dèche. Mais je trouverai la brèche. Chaque jour, je tape, j'économise. Je m'organise comme une entreprise sur ce que je mise. Je m'acharne au travail. Et tôt ou tard, frère, je trouverai la faille. J'ai quitté le 974 sans pleurs. La sape, mes textes et mon putain sans pleurs. La musique est un monde sans cœur. Pour l'instant, c'est la dèche. Mais je trouverai la brèche. Chaque jour, je tape, j'économise. Je m'organise comme une entreprise sur ce que je mise. Je m'acharne au travail. Et tôt ou tard, frère, je trouverai la faille.